Mais, pour venir au point de ma sortie, tant doucement j'ai chanté ma partie, que nous avons bien accordée ensemble, si que n'est plus à faire, ce me semble, sinon à vous. La partie est bien forte. Mais le droit, point, où je me réconforte. Vous n'entendez procès non plus que moi. Ne plaidons point. Ce n'est que tout émoi. Je vous en crois, si je vous ai méfait. Encore poser le cas que l'eût se fait. Au pis-aller, n'y serait qu'une amende. Prenez le cas que je la vous demande. Je prends le cas que vous me la donnez. Et si plaideur furent honque étonné, mieux que ceci, je veux qu'on me délivre, et que soudain, en ma place, on les livre.